appelles ton peuple à t'offrir ce qui est droit, ce qui est vrai. Non, ce qui reste après nos choix, mais le meilleur de nos pensées. Tu ne désires pas les restes, ni les détours de notre foi. Tu veux un cœur sincère qui s'approche droit devant toi. Ce n'est pas la perfection, mais la vérité du don. Un amour sans compromis, un oui sans condition. Nous t'offrons ce qui est pur, ce qui vient du fond du cœur. Nous t'offrons ce qui dure, notre louange et notre foi. Nous t'offrons ce qui est pur, pas ce qui est sans valeur, mais le meilleur de nos jours, pour l'honneur de ton. Pas un geste sans reflet. Tu veux que notre connaissance soit vraie, entière, complète. Car ce que nous t'apportons dit ce que tu représentes. Un trésor, une relation, un feu qui nous alimente. Nous t'offrons ce qui est pur, ce qui vient du fond du cœur. Nous t'offrons ce qui dure, notre louange et notre foi. Nous offrons ce qui est pur, pas ce qui est sans valeur, mais le meilleur de nos jours, pour l'honneur de ton nom. Ce n'est pas l'or que tu cherches, ni le poids des sacrifices, mais un cœur libre qui se penche dans l'amour et la justice. Quand nous donnons avec joie, le ciel s'ouvre devant nous, et dans chaque pas de foi,